une chanson qui revient du plus profond de notre mémoire. C'est trois fois rien, mais c'est formidable. Une chanson qui revient, une chanson, juste un refrain. Les jours s'en vont, rien ne les arrête. Et puis soudain, on a dans la tête une chanson qui revient. Avec elle on retrouve un instant d'il y a longtemps. On remonte les films à la fin du générique. Le passé, le présent ne font que sur la musique. Une chanson qui revient, avec elle on retourne aussi loin que d'où l'on vient. Et Pierrot va reprendre la main de Colombine. On revoit un visage, dis-moi, on l'imagine. Dans la chanson qui revient, une chanson qui revient du plus profond de notre mémoire. C'est trois fois rien, mais c'est formidable. Une chanson qui revient, avec elle on retrouve un instant d'il y a longtemps. On remonte les films à la fin du générique. Le passé, le présent ne font que sur la musique. Une chanson qui revient, avec elle on retourne aussi loin que d'où l'on. Et Pierrot va reprendre la main de Colombine. On revoit un visage, dis-moi, on l'imagine. Dans la chanson qui revient, avec elle on retrouve un instant.